Voici votre bulletin régional. Invitation à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation des loisirs Quatre Horizons de Newport, le 21 avril à 19h, à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville de Newport. Au programme, rapport annuel des activités de loisirs Quatre Horizons, élection des membres du conseil d'administration. Information, 819-875-3895.